Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Adoption ce jeudi par l'Assemblée nationale de sept noms composant la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Cette équipe avait été adoptée la veille par le Sénat. Le groupe de parlementaires du parti CNL, toujours fidèle à honorable Agathon Rwasa, ont boudé la séance de ce jeudi, expliquant qu'elle a eu lieu en violation de l'article 91 de la loi fondamentale. Vous entendrez les explications du député Pamphile Malaïka. Et le directeur national de l'organisation PARSEM demande au secrétaire général du parti au pouvoir de réunir en urgence les cadres de ce parti pour une introspection, un appel consécutif au constat qu'au cours du troisième trimestre, le Burundi a connu une croissance économique très faible par rapport aux pays de la sous-région. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le développement de ces titres à présent. L'Assemblée nationale du Burundi a adopté ce jeudi sept membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante CENI. Ont été adoptés Prosper Nahorwamiye, président de la CENI. Il a été porte-parole de cette commission et il était jusque-là secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Victoire Nahimana devient vice-présidente de la commission. Odette Bizumuremyi, commissaire chargée de l'administration. Sylvestre Nyandwi, chargé des affaires juridiques et du contentieux électoral. François Bizimana, en charge de l'éducation électorale et de la communication. Léonidas Ndairagije, en charge des opérations, de l'informatique électorale et de la maintenance des équipements. Et Gabi Bougaga, chargé de la logistique électorale et des approvisionnements. Ces nouveaux membres de la CENI ont été adoptés ce mercredi par le Sénat. La nouvelle commission remplace celle qui avait été mise en place le 31 août 2018 sous la présidence de Pierre Claver Kazihisse. Je vous l'avais dit dans les titres, le groupe de parlementaires du parti CNL restait fidèle au président de leur formation politique, honorable Agathon Rwasa, disent être surpris de voir les noms des membres de la nouvelle CENI approuvés par le Sénat avant d'être analysés par l'Assemblée nationale. Honorable Pamphile Malaïka précise que cette activité a été faite en violation de l'article 91 de la Constitution du Burundi. Il regrette en outre que tout cela ait été fait sans avoir consulté au préalable les partis politiques et d'autres qui devraient être impliqués dans le choix des noms des membres de la CENI. Suivez-le. Nous avons été obligés de sortir de la plénière sous deux raisons principales. La première, c'est qu'on a été appelé à venir faire le vote, à approuver les membres de la CENI, alors que le Sénat a déjà adopté ces noms à partir d'hier. Les noms sont tentés de circuler sur les réseaux sociaux. Alors on se demande pourquoi on a commencé par le Sénat, alors que l'Assemblée nationale, c'était elle qui devait commencer l'adoption des noms de ces membres de la CENI. Il est vrai que l'article 91 de la Constitution de la République du Burundi, en son alinéa 2, indique que l'adoption de ces membres doit être réalisée différemment dans les deux chambres. Ça, c'est correct. Mais comme la coutume est loi, nous sommes habitués à commencer les activités d'adoption à partir de l'Assemblée nationale et le Sénat approuve les noms après l'Assemblée nationale. Alors on ne comprend pas comment on a inversé la situation. On a jugé ça comme un hic. Et deuxièmement, les noms des membres de la commission ne sont pas consensuels. Les partis politiques qui vont concourir lors des élections n'ont pas été consultés, en particulier le parti CNL, qui a bel et bien beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Alors on ne comprend pas comment on peut mettre en place une CENI sans consulter les partis. À ce qu'on fasse des consultations préalables, prendre beaucoup de temps, le temps suffisant pour pouvoir s'entendre sur les noms déjà qui doivent constituer la commission. Politique toujours, le président du Conseil pour la démocratie et le développement économique du Burundi, Kodebu, Iragirianda Daye, constate que l'espace politique reste verrouillé pour nombre de partis, expliquant que c'est l'administration qui en est à la base et certains militants du parti au pouvoir qui entravent leurs activités. Kefani Wizi réclame plus de liberté politique pour tous. Suivez-le au micro de Placide Niyomwongere. Il y a une gestion inéquitable de l'espace politique pour tous les partis politiques. Le parti au pouvoir a le droit, par exemple, d'exercer des activités pendant les jours et les heures de travail, le droit que les autres formations politiques n'ont pas. Des fois même, il exerce des intimidations, des harcèlements. À cela s'ajoutent l'exclusion, la peur et la résignation qui a gagné la population, qui fait ralentir effectivement les activités des partis politiques autres que celui qui est au pouvoir. Et c'est pas une globalisation. Est-ce que le parti Codebout a ses propres cas concrets? Bon, il y a des cas concrets. Par exemple, très récemment, on a fait une réunion à Makamba. Au même moment, il y avait des réunions du parti au pouvoir. Quand nos militants sortaient de la réunion, ils sont allés dans un bar. Ils ont failli être arrêtés, soi-disant qu'ils font une réunion illégale, alors que même les militants du parti au pouvoir, avec des effets du parti, étaient dans d'autres bars sans inquiéter. Nous apprenons ici et là que quand nos militants se mettent ensemble, ils constatent les jeunes du parti au pouvoir qui rôdent autour d'eux dans le sens de les intimider. Il faudra noter aussi un autre cas où les écrits sur notre permanence à Makamba ont été effacés par des inconnus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que le climat soit assaini? Il faut laisser tous les partis politiques travailler et nous saisissons cette occasion pour demander que les restrictions qui ont été imposées au parti CNL soient levées pour que lui aussi exerce librement ses activités comme d'autres formations politiques. De son côté, le vice-président et porte-parole du parti Sawanya, Frodebou, trouve que l'intolérance politique, des alliances entretenues avec le parti au pouvoir, le manque de moyens financiers et les chicaneries entre les militants sont les principaux défis auxquels font face les partis politiques dans leurs activités sur terrain. Phénias Nigawa trouve que le parti au pouvoir occupe seul le terrain politique. En cette période qui chemine vers les élections de 2025, le gestionnaire des partis est pour cela interpellé pour favoriser la diversité politique. On peut dire que l'intolérance politique qui s'observe dans certaines localités est à la base de son monopole. Les partis politiques, certains partis politiques veulent vivre de la politique, surtout en soutenant le parti au pouvoir pour avoir des postes en guise de récompense. Ces partis politiques et n'osent pas aller sur le terrain. Ils attendent seulement ce que le parti au pouvoir va offrir comme cadeau. Il y a le manque de moyens financiers pour certains partis politiques. Ce n'est pas seulement financier, mais matériel. Et les véhicules, et tout ça. Ça, c'est un handicap majeur. Et même il y a les pouvoirs publics qui s'immiscent dans le fonctionnement de certains partis politiques. Sans oublier les conflits internes que nous observons dans certains partis politiques. Et ces conflits internes ouvrent la porte à beaucoup de maux. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour qu'on puisse se préparer aux élections de 2025-2027? Il faut que l'espace politique soit déverrouillé. Il faut que tous les partis politiques aient l'accès à l'électorat sans aucun problème. Il faut que les partis politiques aient dans leur esprit l'esprit de conquérir le pouvoir et d'éviter d'être manipulé par qui que ce soit. Il faut qu'il y ait une cohésion interne au sein des partis politiques. Pour nous, nous voyons qu'il faut même une solidarité entre les partis politiques. Cela pourra améliorer l'espace politique parce que nous voyons que même les partis qui existent actuellement ici au Burundi sont nombreux. Il faut que ces derniers soient mis ensemble pour les partis qui ont une même, disons, ligne éditoriale, soient mis ensemble pour éviter qu'on ait des partis politiques qui sont sur papier seulement, qui existent sur nom et qu'on ne voit pas sur terrain. Cela, normalement, ça handicape la démocratie. Ça donne l'impression que nous avons des partis alors que ces partis ne sont pas sur terrain. On dirait que c'est un handicap majeur pour la démocratie. C'était Phénias Nigawa, vice-président et porte-parole du parti Sawanya Frodebou. Le ministre de l'Intérieur estime que les partis politiques ne sont plus malmenés comme dans les années antérieures. Près d'une année après sa correspondance de fin 2022, rappelant aux administratifs que les partis politiques ne font qu'informer s'il s'agit d'organiser des réunions, Martin Niteretse trouve que l'évaluation qui était prévue dans la dite correspondance n'aurait pas raison d'être puisque les partis politiques n'ont plus d'indignation l'ayant motivé. Suivez plutôt Martin Niteretse, le ministre de l'Intérieur, traduit en français par Alain Désiré Wukayenet. Twarungitse twihweje ivyo abarongoye imigambwe cyane cyane baguma bavuga bafise umwidogo ko batoroherezwa cyane niho twabarungira bijya kete rero. Nous avons envoyé la correspondance après les lamentations lancées par les leaders des partis politiques qu'ils étaient malmenés sur terrain. On avait prévu une évaluation après 3 mois, mais nous ne l'avons pas faite parce que de telles indignations ne se retrouvent plus. Nous l'avons constaté à travers des rencontres organisées dans le cadre du forum des partis politiques. Les partis politiques n'ont plus à se lamenter, à l'exception du parti SNL, qui connaît des querelles. Les leaders de ce parti semblent s'indigner, mais nous considérons que ces derniers doivent statuer eux-mêmes sur leurs différends. D'autres partis organisent des réunions sans s'inquiéter. Les partis politiques n'ont plus d'obstacles et c'est pour cette raison que nous n'avons plus à se concentrer sur ces défis qui ne sont plus d'actualité. Les autorités publiques à la base le savent déjà à travers la correspondance. Nous n'avons pas à faire d'autres instructions. L'ordre ne doit pas être consigné dans une loi ou règlement. Un circulaire est aussi contraignant. Les administratifs à la base n'ont qu'à le comprendre ainsi et ils s'entendent avec les leaders des partis politiques. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités PARSEM demande aux gestionnaires du pays et du parti au pouvoir de tout faire pour permettre une croissance économique remarquable. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi sur l'analyse de deux récents rapports sur la situation économique du pays, Faustin Dikoumana, directeur national de la PARSEM, regrette qu'au cours du troisième trimestre, le Burundi a connu une croissance économique très faible par rapport aux pays de la sous-région. Il demande au secrétaire général du parti au pouvoir de réunir en urgence les cadres de ce parti pour une introspection. Suivez-le. D'abord, au niveau du rapport de la politique monétaire, on constate que la croissance économique cette année 2022, le Burundi a eu une croissance économique très faible de 1,8%. Alors que les autres pays de la sous-région, le Rwanda a eu 8%, l'Ouganda 7%, le Kenya 6%, la Tanzanie, voyez. Les réserves de change continuent à diminuer dangereusement. L'endettement continue. Ce trimestre même, l'augmentation de l'endettement a conclu de plus de 100 milliards. Les exportations du café ont chuté lamentablement. Et aussi, on constate qu'au niveau du déblocage d'appui projet des dons, le troisième trimestre de l'année passée, on était à 58 milliards, mais aujourd'hui, on est à 43 milliards. Outre cette situation économique, il y a le rapport PIFA. C'est comme un bilan d'évaluation. La note, normalement, la plus basse, c'est D. Mais ici, c'est plein de D. Il serait difficile qu'un partenaire puisse avoir confiance. Déjà, on reproche toujours dans les situations de file d'attente sur les stations. Hier même, ce billet, je l'ai transmis au secrétaire général du CNDF pour l'inciter à faire une introspection, à réunir ses cadres du parti en conclave pour s'amender, prendre des mesures collectives. En transmettant ce dossier au président du parti au pouvoir, c'était pour secouer la partie des uns des autres, au lieu d'être hypnotisé par les enjeux politiques serbes, savoir que l'État est en train de dérailler. Et pour boucler ce journal, des échauffourées ont éclaté entre deux policiers de Rumonge et certains élèves du lycée Étoile de Rumonge l'avant-midi de ce jeudi 7 décembre. À l'origine, c'est l'arrestation sans aucun mandat par ces policiers de l'un des élèves de ce lycée accusé d'avoir engrossé l'une de ses camarades. Ces élèves ont poursuivi ces policiers jusqu'à libérer leurs camarades. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.